Laisse-moi caresser ton corps. J'ai de l'argent et j'ai du chagrin, mais j'ai pas peur de la mort. Parle-moi doucement l'hiver terrain. Laisse-moi caresser ton corps. J'ai de l'argent et j'ai du chagrin, mais j'ai pas peur de la mort. J'ai de l'argent, j'ai du chagrin, mais j'ai pas peur de la mort. Parle-moi doucement, libère terrain, laisse-moi caresser ton corps. J'ai de l'argent, j'ai du chagrin, mais j'ai pas peur de la mort. J'ai du chagrin, mais j'ai pas peur de la mort. Parle-moi de ce qu'on libère le terrain. Laisse-moi caresser ton corps. J'ai de l'argent et j'ai du chagrin, mais j'ai pas peur de la mort.